Un mal. Chapitre 12. Germaine, pendant ce temps, gagnait le village à petits pas de promenade. La fille du fermier des Oserets, Célina Malouin, était allée la prendre avec sa mère après le repas de midi et elles avaient résolu de faire la route à pied. Elles marchaient avec des douceurs de flânerie, toutes trois sur le même rang ou à la file selon la largeur des chemins. Quelquefois, Célina et Germaine pressaient le pas, se disant des choses à demi-voix. Célina avait 20 ans. Elle était petite, sans tournure, les yeux glauques, presque laides. Mais l'âge la rendant amoureuse, elle ne songeait qu'à se marier, rêvait sans cesse au mari qui ne se présentait pas. Un Malouin de leur parenté était droguiste à la ville. Il avait une clientèle, il était garçon. C'était un bel homme, 30 ans environ. Il était venu à la ferme il y avait 2 mois. Elle prétendait qu'il l'avait regardé d'un œil attendri, et même, il lui avait pincé la taille en l'appelant par son petit nom un soir, dans le vestibule. Elle vivait de cette possession incertaine depuis 2 mois. Son cœur était remué dans une espérance douce qui la berçait et l'irritait. Elle reconnaissait pourtant que le cousin tardait un peu à reparaître. Et tremblante, elle demanda à Germaine si elle ne voyait pas un moyen de hâter son mariage. Germaine l'écoutait avec un peu de dédain pour sa niaiserie de campagnard éprise et de temps en temps interrogée, lui répondait un mot, puis la laissait dire, finissant par ne plus être touchée que de l'amour qu'il y avait au fond de ses paroles. Une langueur la faisait défaillir à de certaines conjectures. Elle avait beau vouloir les rejeter, celle-ci s'obstinait à revenir. Elle sentait par moments comme une brûlure dans la gorge, comme une boule de feu qui montait et descendait, et d'autres fois un flot bouillant la mollissait et la parcourait des pieds à la tête. Cachapré apparaissait au bout de ses crises avec ses tentations d'homme fort et résolu, et tandis que Célina lui parlait de son cousin, l'idée qu'elle n'avait qu'à s'abandonner pour goûter enfin la plénitude du bonheur la gagnait, l'envahissait. Les sourcils tendus, les yeux vagues, errant dans les feuillets, elle songeait à ce garçon étrange, à sa beauté rude, à la douceur de ses paroles. L'aimait-il après tout? Elles avaient pris à travers le bois un sentier qui accourcissait la distance. Une mousse tapissait le pied des arbres d'un velours lustré. À droite et à gauche, des taillis tendaient un rideau de verdure qui pâlissait dans la profondeur, prenait une transparence pâle d'eau. Et au-dessus de leur tête, les branches en se joignant tissaient une voussure légère entre les trous de laquelle s'égouttait le soleil. Une fraîcheur montait du sol humide. Quelquefois les taillis se rapprochaient au point qu'ils semblaient fermer le sentier. Alors, il fallait écarter les branches, et Germaine éprouvait une douceur à être caressée par le frôlement des feuillages. Cela coulait un apaisement dans son sang, et en même temps, chatouillait sa chair comme un attouchement. Un gazouillis d'oiseaux remuait les hautes ramures, des battements d'ailes frissonnaient dans l'ombre, et cette tendresse des nids en amour s'ajoutait à l'immense allégresse de la terre, bourdonnant dans la splendeur d'une après-midi de printemps. Une lassiveté traînait. Des végétations s'échappaient une odeur âcre de sève fermentée. Un désir de s'étreindre rapprochait les branches. Et saisies alors toutes les deux d'un frémissement de leur être demi-suffoqué, Célina et Germaine se taisaient. On entendait parfois la voix de la fermière, distancées, qui leur criaient de l'attendre. Elles alentissaient un peu le pas sans répondre. Le sentier débouchait dans les champs. Là, elles ouvrirent leurs parasols, et cette tache brune des alpagas se balançait par-dessus les blés déjà hauts dans la magnificence bleue de l'air. Un souffle léger chassait la poussière à ras du sol par petits nuages qui allaient mourir dans les champs de froment. Elle déclosait alors la bouche, aspirant cette douceur, ou détendait un peu les bras. La plaine brûlait comme une fournaise, et cette chaleur brusque avait empourpré leurs joues d'une large rougeur. Elles s'avançaient l'une après l'autre, un peu lasses, ayant dans l'œil un aveuglement de lumière. Au loin, l'horizon poudroyait. Germaine, d'une main, relevait à demi sa robe de soie noire, sur laquelle retombait la basque du corsage. Un jupon blanc, raide d'empois, battait à chaque pas le talon de sa bottine. Tandis qu'elle marchait, le soleil lustrait son corsage, étroitement bridé aux rondeurs fermes de sa gorge. Un chapeau de paille, très garni de fleurs, la coiffait. Célina avait une robe de soie grise qui tranchait sur la toilette noire de la fille du fermier Hulotte. Et tout d'une fois, la musique du bal leur arriva avec le bourdonnement lointain des voix. Alors, une gaieté les prit. Elles allongèrent le pas et au bout d'un petit temps se trouvèrent sur la place, mêlées à la foule. Des connaissances les appelaient par leur petit nom. Elles étaient très entourées. Des fils de fermiers leur demandant des danses pour tout à l'heure. Et elles passaient au milieu des groupes, riant d'être poursuivies dès leur arrivée. Le fermier Champigny, debout devant sa porte, les vit venir de loin. Il alla à elles et les obligea à entrer à la ferme. « Une petite tarte avec un verre de quelque chose, ça n'est pas de refus !» disait-il en les poussant devant lui. Au même moment arrivèrent la fermière et leur fille Zoé. Elles avaient fait un tour de bal et elles rentraient prendre leur café. « Tout de même, faut pas se laisser tomber !» disait la mère Champigny, grosse petite femme rieuse. « On a besoin de jambes, donc, pour danser. Est-il pas vrai, Germaine et Célina ?» Elle les complimentait, les trouvait superbes toutes deux, les regardait avec admiration, la tête sur le côté en battant ses mains l'une dans l'autre. Puis, parlait de sa Zoé qui allait avoir 19 ans. Un bel âge. Et Zoé, ayant entraîné un peu Célina et Germaine, leur raconta qu'elle avait dansé 2 fois avec le fils des Mortiers. Vous savez bien, le fermier du Grand Champ à 2 lieues d'ici. Il était étudiant en médecine, mais il était revenu pour les vacances. Et ils avaient bien ri à un moment, quand la foule qui était grande au bal les avait collés l'un contre l'autre sans pouvoir bouger. Puis on entra dans la chambre du rez-de-chaussée où les Champigny recevaient leur monde. Il y avait une belle toile cirée sur la table et sur la toile une énorme tarte au riz avec une croûte couleur safran. La fermière plongea son couteau dans la tarte et fit des quartiers et chacun tira le morceau qui lui convenait le mieux. Une grosse fille de ferme entra alors en disant « Bonjour tout le monde !» La face largement fendue d'un rire et mit sur la table une cafetière du bec de laquelle s'échappait une fumée brune, odorant la chicorée. « Encore une tasse, encore un morceau de tarte !» répétait à tout bout de champ la fermière. « Non merci, ça ne se peut pas, je suis tout enflée déjà !» disait la femme du fermier malouin. « Si fait tout de même !»« Alors, une petite tasse pour vous faire honneur, c'est ça, merci !» Et elle continuait auprès de Célina et de Germaine. « C'est-y qu'elle est mauvaise, la tarte, que vous n'en mangez point ? Eh, fermier, astique donc les demoiselles ! Ah, si c'étions pas de vieilles gens comme nous, mais de beaux gars !»« Pour ça, oui !» disait Célina en riant. « Allez, allez, c'est l'âge !» Et Zoé qu'en dira autant bientôt. Elle sera comme toutes les filles. Voyons, une petite tasse, une seule. Les assiettes se tendaient alors, et de nouveaux quartiers de tarte épaississaient l'estomac. Puis on parla des veaux, des porcs, de la récolte. L'odeur des fumiers entrait par les fenêtres ouvertes avec le meuglement des vaches dans l'étable. Et dehors, le village en liesse criait, battait l'air de vivat. On sortit. Les Champigny les accompagnaient. Le meunier Isard était malheureusement lui aussi sur le pas de sa porte. Il fallut entrer comme on était entré chez les Champigny. Il était seul à la maison, mais ce n'était pas une raison. Il allait envoyer le domestique prévenir ses filles qui étaient chez Ronflette. Isard était veuf. Tout en parlant, il leur ouvrait les portes de son salon, tendu d'un papier de velours gaufré d'or. Une glace à moulure dorée était posée sur la cheminée. Des fauteuils de velours recouverts de housse blanche entouraient une table à pied tourné, embellie d'une tablette de marbre. Un tapis étendait sur le parquet sa laine moelleuse à rosace rouge. Le meunier les laissa seuls un instant contemplant cette opulence, et l'instant d'après reparut, deux bouteilles de vin dans les bras. Les femmes se récrièrent. Elles avaient pris du café, des liqueurs, le vin leur tournerait l'estomac, pour sûr. « Bon, un petit verre de trop, ça ne fait rien en temps de kermesse, » répondait Isard. « Et puis, vous allez avoir de la compagnie, j'ai fait appeler mes neveux. » Il clignait de l'œil du côté des jeunes filles. Les bouteilles se vidèrent. Des assiettes garnies de bonbons passaient de main en main, constamment. On entendait le bruit sec des dents croquant les pattes sèches. Champigny dégustait le vin en faisant claquer sa langue contre son palais. Le meunier le regardait alors d'un air goguenard, secouant la tête et disant « Hein, hein !» avec satisfaction. Un bruit de pas remplit le corridor et presque aussitôt la porte s'ouvrit. C'étaient les filles du meunier qui rentraient avec leurs cousins, ceux-ci au nombre de trois. Deux d'entre eux étaient meuniers au moulin de leur père et le troisième était commis de l'enregistrement à la ville. On fit les présentations. Germaine et Célina se levèrent, échangèrent des poignées de main avec les arrivants et tout le monde se plaça autour de la table sur des chaises en paille tressée qu'il fallut aller prendre dans la chambre voisine. Isard sortait à tout bout de champ, rentrait avec des bouteilles sous le bras. Les garçons, de leur côté, s'occupaient de faire boire les femmes, et les bouchons claquaient coup sur coup, tiraient des goulots avec fracas. Les trois neveux rentraient du bal, ils s'étaient amusés. Ils racontaient que la fille du marchand Herbeau était tombée au milieu d'un quadrille, entraînant son cavalier. Les autres danseurs avaient culbuté sur le couple échoué. Cela avait fait un large tassement très comique. Ils donnaient à entendre qu'il s'était alors passé des choses, et il souriait sans préciser. Le commis, au contraire, dédaignait ses vulgaires gaietés. À la ville, on avait mieux que des dondons. Les filles, d'ailleurs, ne savaient pas valser au village. Et il affectait des airs blasés, en homme qui a pris sa part de plaisir plus délicat. Germaine écoutait, distraite. Une impatience la gagnait. Ses longues lampées sur place l'étourdissaient. Un feu rougissait ses pommettes. Champigny donna le signal du départ. « Y a de la jeunesse, faut bien qu'elle s'amuse !» Et toute la bande alors se leva. Il ne resta à la maison que le vieil Isard, un peu souffrant d'un rhumatisme. Une animation régnait parmi les hommes. Ils avaient la voix haute et le regard hardi, avec douceur. Le commis arquait sa personne sur le côté pour parler à Germaine. Et Célina, Zoé, les deux filles Isard, suivaient, riant, se moquant des paysannes en robes bleues et vertes qui passaient, la tête chargée de potagers en plein rapport. C'était Irma, l'aînée des Isard, qui avait trouvé le mot. Elle avait été en pension à Givet et elle en avait rapporté le goût de la moquerie. Thank you.